J'arrête mes phrases avec des points de suture. J'allume le joint le plus pur, baisé par le passé, je pense en du futur. Je tire sur le joint le plus pur, y'a ma halle, la bécane, lève les yeux au ciel, amenez-moi la médaille, les millions, les chiennes, les balles fusent, impossible savoir d'où elle vit, elle ne compte nous des cailloux contre une pute d'opinel. J'ai rangé l'YZL, ils sortent le KTM, ça pue le pollen, j'enroule un millionième, je baise une italienne, elle crie dit au milieu, je parle à mon moi d'enfant, je vois pas qui d'autre qui m'aime, vas-y nique ta race, avime ta base, je suis avec ta puce, j'ai pris 6 alpras, je brise la cage, je connais des grands chiens de la casse qui pourraient te baiser si t'as le das. Je suis tellement loin les frérots, ils me voient plus dans le rétro. SLN la misère pas le métro, pour ça que j'ai la tête dans les taux depuis très tôt. Azazel, Azazel, caramel, pas là-bas par hasard, je me souviens pas de la veille. Bientôt 15K dans la monde verront plus pareil. Je serai toujours pas heureux, le temps passera jamais, jamais, jamais plus pareil. Qu'est-ce que je jusqu'à Chanel 206 McLaren, je fais un rêve où je me fais flasher par l'appareil. Avec les quartiers, j'ai déjà les pupilles anéchies, je te laisse imaginer. Avec les bagatelles, j'ai pris du tramadol, j'envoie les parallèles. John Obi Mikel, j'envoie que des parallèles. Ils m'appellent comme la chose qu'on trouve à la chapelle. Bientôt m'appelleront comme le truc dans la chapelle. Ça me fait mal à la tête, ça me fait mal à la tête, ça me fait mal, mal, mal à la tête. Ça fait 10 ans que j'attends un coup de bigot de l'espoir, y'a que maintenant que je crois que ça rappelle. À part mon reflet, je rends de compte à personne. Je les baise avec la cale de Woody Harrelson. Moi depuis tout petit j'ai appris à parler par le torse. Je connais des gars qui pourraient faire entrer un obèse dans un sac de sport. Pas de je t'aime, pas de moi aussi, apparemment je suis masculin toxique. J'ai fait tout ce qu'ils feront jamais, je les laisse entredire que c'est impossible. Je peux pas la ken, y'a trop de signes comme nocifs derrière ces fossiles. Mes 10 ans sont tous secs pendant qu'ils s'affolent la quiche t'a grossi. Dans le noir j'ai les yeux comme félin, je vois les hommes, j'en fais des cauchemars. On va te fumer mais c'est rien de sérieux, ce monde est une blague et qu'est-ce qu'on se marre. Elle me dit que je fume trop de 15, mon grand-père a vécu jusqu'à 93. Et il se mêlait de ses affaires, espèce de pute, la plus inda de haut en bas. Sur la prod Satan de nucléaire impact, différentes ethnies dans un 4x4, fuck le 6x3, jamais je passe un pack. Petit je voulais Jessica Rabbit, y a des choses qui ne changeront pas. Et les yeux racontent toute l'histoire, on sait très bien qui est qui sans qu'on se parle. Et on rendra tout, impossible de se cacher du ciel. Je fais un rêve où je me noie dans l'océan, je me réveille avec le goût du sel. Il est parti acheter du lait, 15 ans plus tard il est où papa. Mon rêve je les ai toutes d'abas, c'est que des sorcières des Yubaba. À part mon reflet je rends de compte à personne. Je les baise avec la cale de Woody Harrelson. Moi depuis tout petit j'ai appris à parler par le torse. Je connais des gars qui pourraient faire entrer un obèse dans un sac de sport. À part mon reflet je rends de compte à personne. Je les baise avec la cale de Woody Harrelson. Moi depuis tout petit j'ai appris à parler par le torse. Je connais des gars qui pourraient faire entrer un obèse dans un sac de sport. À part mon reflet je rends de compte à personne. Je les baise avec la cale de Woody Harrelson. Moi depuis tout petit j'ai appris à parler par le torse. Je connais des gars qui pourraient faire entrer un obèse dans un sac de sport.